Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Alban Girl, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton. Les ondes du 93.6, on est ensemble pour une nouvelle émission en différé. Nouvelle émission dans laquelle, cependant, on aura l'occasion d'égrener quelques petites nouveautés, pas des moindres. On aura les Américains de Knuckles, les Allemands de Ernst, les Français de Profanation, et quelques autres petites joyeusetés, qu'on prendra le temps de découvrir ensemble tout au long des deux heures à venir. Première doublette dans l'émission de ce soir, que l'on va avoir le plaisir d'ouvrir ensemble avec une nouveauté. Knuckles, la formation de hardcore américaine, le groupe qui nous vient du Kentucky, sort seulement son troisième album studio et qui fait suite à l'extraordinaire EP A Tear in the Fabric of Life qui était sorti en octobre 21. 10 titres qui avoisinent les 30 minutes au total. C'est toujours ultra colère, énorme mélange des influences, hardcore, metalcore, un peu plus sludgy par moment, et des gros breaks ultra beatdown par-dessus tout ça. Et Brian a toujours cette voix, mais tellement emplie de haine et de rage. Knuckles continue de dérouler sa puissance et sa violence. Et pour notre plus grand plaisir, cet album est une réussite totale. Dayside, ensuite, 35 ans au servir du Brutal Death, la formation floridienne nous sort son nouvel effort studio dans la plus pure tradition des derniers albums des Dayside. Banished by Sin, on peut juste noter que Steve Asheim est toujours aussi monstrueux et impressionnant à la batterie, et que Glenn Benton n'a rien perdu du caverne de sa voix. Piece by Piece, le titre de Knuckles, A Trinity of None, le titre de Dayside. Sur ce, bienvenue dans l'émission et bonne écoute. Ah! Doublette suivante et encore une petite nouveauté. Tout d'abord, Eye on Fire, groupe de Stoner Sludge qui nous vient des US, de Californie plus précisément, actif depuis 98. La formation sort là son 9e effort studio. Un album plutôt généreux, avec toujours cette marque bien propre à Eye on Fire, hein, 11 titres. On est sur un mix plutôt soigné entre du stoner sludgy lourd et gras et des moments beaucoup plus hard rock et limite up tempo avec un riffing qui tend vers le thrash. Quelques longueurs cependant à noter sur l'ensemble de l'album. Voilà, Eye on Fire a pour l'instant encore un peu perdu de l'efficacité des albums sortis il y a une bonne dizaine d'années. Ernst, ensuite le groupe de Blackening Crust qui nous vient d'Allemagne sort là son 5e effort studio. C'est probablement l'album le plus radical et violent qu'ils aient pu proposer. 20 titres pour 35 minutes. On est vraiment sur un format morceau grindcore. Il y en a seulement 6 qui dépassent les 2 minutes. C'est hyper énervé, colérique et très riche cependant au niveau des sonorités. Toujours voilà, hardcore, black, death, grindcore power violence. Voilà, Ernst, encore une superbe réussite, ce nouvel effort studio. Eye on Fire, Landsbraid, extrait de l'album Comet the Storm. Ernst, la doublette Destination Nowhere, Doing Your Part, extrait de l'album Culture of Brutality. Et l'album porte magistralement bien son nom. none of it works. It's like a... Like a black hole? Everyone has a black hole inside of them. Troisième doublette dans l'émission de ce soir, Party Cannon et Brat. Party Cannon, on les a rentrés dans l'émission la semaine dernière, ce groupe de Brutal Death, Slam Death qui nous vient d'Écosse. Ils sortent là leur troisième effort studio. Un peu plus de deux ans après le très remarqué Volumes of Vomit, le groupe au passage est passé de chez Gore House Production à Unique Leader. Leur recette toujours... entre très très gros guillemets, un party slam, slam festif, n'a pas été impacté par la signature chez Unique Leader. 10 titres pour environ 40 minutes d'une recette hyper bien maîtrisée, hein, vraiment on est sur du brutal death. C'est juste que textuellement, au niveau de l'attitude sur scène, ça se prend zéro au sérieux, ce qui donne encore une dimension particulière à leur musique. Brat, ensuite le groupe de Bimbo Violence, qui nous vient de la Nouvelle-Orléans, vient de sortir son premier album après 2 EP. 10 titres pour une vingtaine de minutes, c'est concis et efficace, un joli melting pot encore une fois de death, de thrash, de hardcore et de grind. Et sur scène c'est incroyablement efficace la recette de Brat. Au niveau des titres qu'on va s'écouter, tout d'abord Party Cannon, Alpine Spin, extrait d'album Injuries Are Inevitable. Social Grace, extrait d'album Social Grace, signé Brat juste après, c'est parti. We'll be right back. Doublette suivante, histoire de rien changer à la recette habituelle de l'émission, une doublette qui tabasse sec, Selbst et Full of Hell. Selbst, tout d'abord, qui a bénéficié d'un focus la semaine dernière. On est sur du black metal, un one-man band, qui a été créé originellement au Venezuela et qui depuis quelques années évolue du côté du Chili. Troisième effort studio qui voit le jour chez DB Björn Morti. Sept titres pour 45 minutes d'un black un peu dissonant, très bien inspiré et avec même quelques relents post-black ou pas loin. De la colère viscérale sur certains passages et d'autres séquences un peu plus introspectives et mélancoliques. Full of Hell, ensuite, là par contre, on est que sur de la colère viscérale. La formation Riken sort son sixième effort studio. Il y a eu quelques autres albums en parallèle avec des collabs, par exemple avec Primitive Man l'année dernière. Et le groupe fête là sa 15e bougie. 12 titres pour 25 minutes de leur recette bien chaotique. Hein, on est à la limite du negative hardcore, rehaussé de power violence et de grind, avec même des éléments death metal, voire sludge noise. Deux guests vocaux sur les deux derniers morceaux de l'album, Ross Dolan d'Immolation, rien que ça, et bien sûr, jamais trop loin de ce genre d'affaires, Jacob Bannon de Converge. Les morceaux choisis pour Selbst et Full of Hell. Selbst tout d'abord, The Stench of a Dead Spirit, extrait de l'album Despondency Chord Progression. Full of Hell, Transmuting Chemical Burns, extrait de l'album Coagulated Bliss. Et on écoutera en doublette avec ce titre-là, Vacuous Dose. C'est parti. La doublette suivante dans l'émission Hellbanger de ce soir nous permet d'ouvrir l'aspect française. Doublette Sorcerer Fractal Gates. Sorcerer, tout d'abord, le groupe de hardcore francilien qui nous sort son premier album studio, une totale réussite, intitulé Dévotion. Ce premier effort longue durée voit le jour chez Deliverance Records et Frozen Records. On s'écoutera la doublette titre de l'album Dévotion avec le morceau également In the Arms of Mortality. Fractal Gates, ensuite, là on est sur du death metal de très forte inspiration scandinave, un album vraiment réussi hein, pour une autre formation donc francilienne, active depuis une bonne quinzaine d'années. Insomnium, Omnigatorum sont les références en tête chez Fractal Gates, un album de 50 minutes, plutôt généreux, et voilà, la recette est vraiment bien exploitée. Au niveau des titres choisis, Sorcerer, c'est déjà annoncé. Fractal Gate, Seamless Days, extrait d'album One With Dawn. C'est parti pour l'aspect française. Reason On continue de dérouler l'aspect française avec, dans la doublette à venir, la première nouveauté de l'aspect hexagonal. Mais tout d'abord, Subterrane, qui nous permet de respirer un peu dans l'émission de ce soir. Une formation nantaise qui oscille entre post-metal et sludge atmosphérique. Une sortie Frozen Record, seulement entre des gros guillemets 4 compos, mais près de 40 minutes de musique. Les titres sont vraiment généreux, du coup entre 7 et 10 minutes chacun. Ça prend le temps de se mettre en place, ça tourne pas en rond, ça va chercher dans les inspirations d'un Neurosis, Paul Bearer ou même Paradise Lost pour le côté le plus sombre. Ça reste assez massif et oppressant et c'est plutôt réussi. En doublette avec Subterrane, Profanation, la jeune formation old school death grind qui nous vient de Paris, vient de sortir son premier EP via Iron Bonehead. 6 compos pour 20 minutes de pure violence auditive. Ça va chercher du côté de Terrorizer Repulsion, hein, donc on est sur du death qui moche. C'est crade, c'est à fond les ballons et ultra efficace. Au niveau du line-up, All Star Band, on retrouve des ex et actuels All Star Band, Destroyer 666, Sepulch et autres Gold Spell. Voilà, excusez du peu, on les a vus l'année dernière sur la scène de l'Anthem of Steel, ça rigole zéro, Profanation. Subterrane, Poisoned Water, c'est l'album In the Aftermath of Blight, Profanation, on s'écoutera le titre éponyme Profanation, extrait de l'EP Skull Crushing Violence. C'est parti.